السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. L'auteur est l'imam Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di rahimahullah nous dit concernant les étapes et degrés donc sur lesquels doit cheminer celui qui avance vers Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà. Il nous dit donc, après avoir cité l'étape de la patience, l'endurance, al-sabr, l'agrément, al-rida, la reconnaissance, le remerciement, al-shukr, et le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul, inna Allah yuhibbul mutawakkilin, certes Allah aime ceux qui placent sa confiance en lui, ainsi que la bienfaisance, al-ihsan. Il nous dit par la suite, rahimahullah, نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. Il nous dit, rahimahullah, parmi leurs caractéristiques et parmi les étapes par lesquelles ils passent, ils conseillent les créatures dans l'agrément de leur Seigneur par la science, l'orientation et la bienfaisance. Donc il nous cite ici, rahimahullah, manzilatu al-nus, le degré du bon conseil, donc al-nasiha, qui est donc un degré immense. Et parmi ce qui nous montre le haut rang de ce degré et sa grande place dans l'islam, qui est al-nasiha, le fait de porter bon conseil, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a restreint toute la religion dans al-nasiha, dans le bon conseil. Cela dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu al-nasiha, la religion est le bon conseil, ou bien est la sincérité. Donc il lui a été dit sallallahu alayhi wa sallam, envers qui? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants parmi les musulmans et le commun des musulmans. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Donc al-nasiha, le bon conseil, qui a été défini par Abu Amr ibn Salah rahimahullah comme étant un mot à un sens général qui comporte le fait d'accomplir toutes les formes de bien pour la personne vers qui la nasiha, le bon conseil, est dirigé par la volonté et les actions. Donc al-nasih, celui qui est bon conseiller, va à l'inverse de al-rash. Donc al-nasiha, le bon conseil, va à l'inverse de al-rish, qui est la tromperie. Donc le musulman qui est nasih s'efforce d'être véridique envers ses frères musulmans, de ne pas les tromper. La yarushum balian sahum. Donc l'inverse de nasiha est al-rish, le fait de tromper, de montrer une chose qui est différente de la vérité, ou de vouloir du mal intérieurement pour ses frères musulmans et de leur montrer le bien. À titre d'exemple, fa al-nasiha va donc à l'inverse de al-rish, qui est la tromperie. Et donc al-nasiha donc pousse le serviteur à être véridique envers ses frères musulmans, de ne pas les tromper, mais de purifier son intention et de vouloir pour eux le bien qu'il veut pour sa propre personne. Et en faisant cela, il obtiendra bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala premièrement des immenses récompenses et un haut degré et un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Donc cela fait partie des moyens de concrétiser sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc al-nasiha permet aux serviteurs d'atteindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala des hauts rangs et des hauts degrés. Et al-nasiha est le rang et le degré prophète et des messagers, alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de Hud alayhi salam, qui a dit à son peuple, wa ana lakum nasihun amin, et je suis pour vous un bon conseiller digne de confiance. Et c'est une parole qu'a dit autre que lui parmi les prophètes et messagers alayhi salatu wa salam. Donc les prophètes et messagers sont bons conseillers, veulent le bien pour les serviteurs, les appellent au bien, les appellent à l'au-delà, les appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, les appellent au paradis. À l'inverse, ils les mettent en garde contre tout ce qui peut les nuire dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Donc le musulman demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala et accourt à cet immense degré qui est celui de al-nasiha envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement envers Allah subhanahu wa ta'ala, en étant sincère et véridique envers lui subhanahu wa ta'ala, envers son livre, envers son messager sallallahu alayhi wa sallam, envers les dirigeants parmi les musulmans et envers le commun des musulmans. Cela dans le but d'atteindre les plus hauts rangs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été rapporté à ce sujet de Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah qui a dit « N'a pas atteint auprès de nous celui qui a atteint par le grand nombre de prières et de jeûnes, mais il a atteint auprès de nous par la générosité de l'âme, la pureté des poitrines et le bon conseil envers la communauté. » Et le bon conseil envers la communauté. Donc, chose qui fait que la personne s'élève en degré, plus que le fait de porter attention aux actes externes, le fait de se préoccuper de corriger, de réformer son intérieur. Hadar demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense, de nous accorder cela, de purifier nos cœurs, nos poitrines, et de nous compter parmi al-nasihin. Et l'auteur rahimahullah a cité dans ce vers certaines formes de nasiha. Dans sa parole, par la science, l'orientation et la bienfaisance. Donc, par la science, le fait d'enseigner l'ignorant, de lui enseigner selon Allah subhanahu wa ta'ala, t'as fait grâce comme guidé et comme connaissance de la vérité. Le fait de s'enjoindre mutuellement le bien avec autrui, le fait d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, le fait d'orienter vers le bien celui qui en a besoin, que cela soit pour un bien mondain ou un bien religieux. Donc tout cela, en ne recherchant par cela, rien d'autre que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Donc al-nasiha bil-ilm, comme l'a cité l'auteur, al-irshad, le fait d'orienter ceux qui ont besoin d'orientation, ou al-ihsan et la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur, rahimahullah, nous dit Sahibul khala'iq bil jusum wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Il nous dit, rahimahullah, ils n'accompagnent les créatures qu'avec leur corps, tandis que leur cœur, tandis que leurs âmes sont dans une demeure supérieure. Ils n'accompagnent les créatures qu'avec leur corps, tandis que leurs âmes sont dans une demeure supérieure. Donc l'auteur ici nous cite une autre immense manzila qui est celle de Al-Ghurba, l'étrangeté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kun fi dunya ka annaka gharibun aw aabiru sabil » Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Donc Al-Ghurba, que l'auteur lui-même rahimahullah a dit dans son commentaire concernant Al-Ghurba, concernant ces gens qui sont ghuraba, il nous dit rahimahullah, telle est leur situation. Donc il va nous parler ici, rahimahullah, concernant Al-Ghurba et le degré qui a précédé qui était Al-Nasiha. Donc le bon conseil et Al-Ghurba qu'il a réuni en même temps. Il nous dit, rahimahullah, telle est leur situation avec les créatures. Donc ceux qui ont concrétisé l'étape de Al-Nasiha et Al-Ghurba. Telle est leur situation avec les créatures. Elle est la plus complète et la plus noble des situations. Puis il nous dit, rahimahullah, il leur expose le meilleur du bon conseil. Ils aiment pour eux ce qu'ils aiment pour leur propre personne comme bien. Ils détestent pour eux ce qu'ils détestent pour leur propre personne comme mal. Ils accourent en tout ce qui est en leur pouvoir pour dissiper d'eux le mal. Ils font tous les efforts pour leur faire parvenir ce qui est profitable, comme ordre de ce qui est convenable et interdiction du blâmable, en nourrissant l'affamé, en habillant le dévêtu, en secourant l'affligé, par l'enseignement de l'ignorant, par le fait de réprimander l'injuste, de secourir l'opprimé, en supportant leur nuisance et en les préservant de leur propre nuisance. Puis nous dit rahimahullah. Et avec cela, il ne les accompagne, donc les gens, qu'en apparence avec leur corps. Donc ici, il passe à la deuxième des menzilas qui est Al-Ghurba. Donc, il ne les accompagne, donc les gens, qu'en apparence avec leur corps. Et quant à leur cœur et leurs âmes, alors ils tournent autour de l'être bien-aimé. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. En cherchant la plus immense part de sa proximité. Et donc, à certains moments, ils se rabaissent devant lui, s'humilient et se soumettent à lui. Et à d'autres moments, ils lui sont reconnaissants par son amour, en se rappelant sa bonté et sa proximité. Puis, ils penchent vers son agrément, prodiguent des efforts dans son adoration et sont bienfaisants envers ses créatures. Puis, il nous dit pour finir, rahimahullah, ceux-là sont les vrais gens. Ils sont même les vrais doués de raison et les intelligents. Et il n'y a de force et de puissance que par Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله رحمة واسعة. Donc, ceux qui ont comme caractéristique al-nasiha et al-ghurba réunissent entre le fait d'être bienfaisant envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, en aimant pour eux ce qu'ils aiment pour leur personne, en leur apportant le bien qu'ils aiment pour eux-mêmes, en repoussant d'eux les nuisances venant de leur part, tout en étant accrochés à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ils sont avec les gens, avec leur corps, et leurs âmes sont dirigées vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Manzilatu al-ghurba, l'étrangeté. Puis l'auteur, rahimahullah, nous dit بِاللَّهِ دَعْوَاتُ الْخَلَائِقِ كُلُّهَا خَوْفًا عَلَى الْإِيمَانِ بِالنُّقْصَانِ. Et dans certaines versions, رَعَوُ الْحَقَائِقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا خَوْفًا عَلَى الْإِيمَانِ بِالنُّقْصَانِ. Donc il nous dit, pour Allah, toutes les invocations des créatures sont ayant peur pour la foi de sa diminution. Donc ici, rahimahullah, il nous cite مَنْزِلَةُ الرِّعَايَ, le degré de Al-Ri'aya, donc qui est aussi un immense degré, donc il est important de comprendre. Al-Ri'aya, qui est le fait de préserver les œuvres après qu'elles étaient accomplies, de ce qui peut venir les annuler ou bien diminuer leur récompense. Donc, de manière plus générale, le fait que la personne préserve sa science premièrement, cela par le fait d'œuvrer avec celle-ci, puis qu'elle préserve ses œuvres qu'elle a accomplies. Cela par le fait, premièrement, d'être constant sur cela. Donc, ne pas délaisser les œuvres après avoir commencé ces étapes. Puis, elle les préserve aussi par le fait de s'écarter de ce qui peut venir annuler l'œuvre accomplie ou bien diminuer ses récompenses, comme l'autosatisfaction, la vanité ou autre. Donc, à l'inverse, il va découler du fait que la personne ne fasse pas attention à ce qui est al-ri'aya, le fait de préserver ses actes, une baisse de la foi. Donc la personne préserve ici la science, les connaissances qu'elle a, comment ? Par le fait d'œuvrer avec celle-ci. Puis elle préserve ses œuvres, comment ? Par le fait premièrement d'être constant dans cela, et de préserver ses œuvres, d'être touché par une chose qui va venir les annuler, ou bien diminuer la récompense. Parmi ce qui vient annuler les œuvres, le fait de faire du mal après avoir commis du bien, ou bien le fait d'être touché par de la vanité, de l'autosatisfaction ou autre, après avoir commis un acte de bien. Ou bien le fait de montrer ses faveurs à une personne à qui on a fait du bien, à titre d'exemple. Donc la personne préserve ses actes par le fait d'être constant dans cela, et par le fait de s'éloigner de ce qui peut venir annuler ou baisser ou bien diminuer la récompense de ses actes. Et le mot qui est cité ici, al-ri'aya, donc qui est le fait de préserver ses œuvres, est un mot qui a la même base que le mot qui est dit pour citer un berger, al-ra'i. Donc ils ont la même base qui vient du verbe ra'a, et ici donc un nom verbal, al-ri'aya. Donc ils ont un lien du point de vue linguistique, car Tout comme le berger. Donc, si jamais il délaisse le fait de s'occuper et de préserver son troupeau, alors celui-là diminuera obligatoirement. Et donc, cela est pareil pour celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il doit constamment faire des efforts pour préserver ses œuvres, préserver son cœur, préserver sa langue et ses membres, préserver la science qu'il a acquise par le fait d'œuvrer avec celle-ci. Cela dans le but de préserver sa foi de la diminution. C'est pour cela qu'il a été dit, le fait de préserver l'œuvre est meilleur que l'œuvre elle-même. Donc le fait de préserver son œuvre est meilleur que l'œuvre en elle-même. C'est-à-dire, le fait de préserver l'œuvre avant de l'accomplir, premièrement, comment? Par le fait de corriger son intention. Pendant l'accomplissement de l'œuvre, cela par le fait de la faire de la meilleure des manières, avec sincérité. Et après l'œuvre, cela par le fait de la préserver, comme cité de ce qui peut l'annuler, et en étant constant dans son accomplissement. Donc, al-ri'aya, qui est un degré important que la personne doit préserver et pour laquelle la personne doit donner une grande importance. Wallahu al-musta'an. Puis l'auteur, rahimahullah, nous dit: Azafu al-qulub 'an ash-shawaghil kulliha. Donc ici, rahimahullah, il nous cite manzilatu zuhd, le degré de l'ascétisme, qui a été défini comme étant le fait de délaisser tout ce qui ne profitera pas aux serviteurs dans l'au-delà. Donc qui est un degré qui est au-dessus de celui de al-wara. Al-wara qui est, lui, le fait de délaisser ce qui peut nuire à la personne dans l'au-delà, ce dont elle a peur qu'elle le nuise dans l'au-delà, comme péché ou autre. Alors que az-zuhd, donc la personne va délaisser ce qui ne va pas lui profiter dans l'au-delà. Ce qui ne va pas lui profiter dans l'au-delà, même si ce n'est pas une chose qui est interdite de base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Izhad fi dunya yuhibbak Allah. Fais preuve d'ascétisme dans ce bas monde et Allah t'aimera. Donc ici, le fait de délaisser ce qui va occuper la personne de l'au-delà et de son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sans aucun doute un degré immense, qui vient avec la science, et comme le cite l'auteur rahimahullah, dans ce vers, deux points permettant d'accéder à ce degré-là qui est az-zuhd. Premièrement, en vidant le cœur de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de toutes les préoccupations, leur cœur, ils ont détaché. De toutes les préoccupations, leur cœur, ils ont détaché. Donc le fait de délaisser et de vider son cœur de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, par le fait de remplir son cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il agrée dans sa parole et de tout autre que le miséricordieux, ils les ont vidés. Donc, la personne vide son cœur de ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle remplit son cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il agrée. Et ce degré, sans aucun doute, vient avec la science, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il aime et agrée. Donc le serviteur se détourne de l'approchement de ce bas monde et se dirige vers ce qu'il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit: Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Il nous dit, Subhana, tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont patienté du meilleur de ce qu'ils œuvraient. Surat An-Nahl, verset 96. Ma indakum yanfad, tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Puis l'auteur, rahimahullah, à la suite de ça, nous cite ce qui vient en exemple du degré de az-zuhd. Il nous dit, rahimahullah, harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wa shaytani. Leurs mouvements, leurs préoccupations et leurs résolutions sont pour Allah et non pas pour les créatures et shaytan. Donc ici, c'est-à-dire qu'ils ne recherchent, à travers ce qu'ils font, aucune récompense ou éloge provenant des créatures. Mais leur but n'est que de plaire à leur noble Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit à propos de ses serviteurs sincères. Il nous dit, subhanah, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Ils disent, certes, nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah et ne voulons de vous ni récompense ni remerciement. Surat Al-Insan, verset numéro 9. Donc, le fait, parmi ceux qui entrent dans le zuhd, le fait que la personne se dirige complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala et ne recherche à travers toutes ses étapes et tous ses actes que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses immenses récompenses. Puis l'auteur, rahimahullah, finit par sa parole. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. Il nous dit, rahimahullah, quel bon compagnon pour celui qui recherche les sentiers qui mènent à la bienfaisance et au bienfait. Donc l'auteur, rahimahullah, nous montre dans ce dernier vers l'importance de choisir un bon compagnon. Un bon compagnon qui va aider la personne à cheminer dans cet immense chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure dernière. Et ce qui montre l'importance de suivre le chemin de ceux qui cheminent sur cette voie-là, au risque de s'égarer de cette voie à cause de l'impact que peut avoir une mauvaise compagnie. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhali. Donc l'homme est à l'image de son compagnon. Que chacun d'entre vous regarde qui il prend pour compagnon. Donc la personne, ici, fait des efforts et accourt à choisir les meilleurs des compagnons qui pourront être pour lui une aide dans ce chemin-là. Pour ne pas qu'il se sente étrange dans ce chemin et qu'il soit impacté par une mauvaise compagnie qui peut faire en sorte qu'il change de chemin ou qu'il délaisse cette voie. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de Moussa alayhi salam qui invoqua Allah subhanahu wa ta'ala par ses paroles. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran. Innaka kunta bina basira. Il nous dit, subhanah, d'après le sens du verset, les propos de Moussa alayhi salam qui a dit, après qu'Allah l'ait envoyé vers Pharaon et son peuple, il lui a dit, alayhi salatu wassalam, et assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère, accrois par lui ma force, et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et tu es certes très clairvoyant sur nous. Surat Taha, verset 29 au verset numéro 35. Donc, ici, Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir par son frère. Et Allah a aussi dit, سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il va renforcer Moussa alayhi salam par l'aide de son frère. Donc, le fait que la personne est avec elle, un bon compagnon qui l'aide dans ce chemin, est une aide immense qui lui permettra de rester ferme sur cela et d'atteindre, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, le bout du chemin qu'elle recherche. Et ici, donc, tout comme la personne fait des efforts pour avoir de la bonne compagnie, il lui est aussi demandé de donner une très grande importance et de prendre garde aux gens du mal. Aux gens du mal et aux gens du fou. De s'écarter de la mauvaise compagnie. Parmi Ahl al-Kufr, les gens de la mécréance, Ahl al-Shirk, les gens du polythéisme, Ahl al-Bida, les gens de l'innovation, ainsi que Ahl al-Ma'ashi, les gens des péchés, cela pour ne pas être impactés par le mal de leur compagnie. Cela comme a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple pour la mauvaise compagnie, l'exemple du forgeron. Et à l'inverse, l'exemple de la bonne compagnie, l'exemple du vendeur de parfums, donc d'une bonne compagnie vertueuse qui sera une aide pour la personne dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers la demeure de l'au-delà. هذا والله أعلم ونحمة الله عز وجل على نعمه الكثيرة نلو الله سبحانه وتعالى pour nous avoir permis de finir ce poème tout comme nous le demandons subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous permettre d'œuvrer avec ce qui a été cité comme étape et comme degré menant à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous élève subhanahu wa ta'ala en degré auprès de lui subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous compte parmi ses serviteurs qu'il aime et qu'il agrée subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كل شر، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.